Sa plume, il pense à celle qu'il a aimée, et au rappel de quelques notes, sa mémoire se mélange à la brume. Toi, que tu sembles belle, et toi, ton charme est cruel, puis la folie l'emmène au loin. Il se prend à rêver dans les yeux de l'ange, commence à écrire lentement, en finissant son péché de vin. Toi, que tu sembles belle, et toi, ton charme est cruel. Le vent rapporte que ce jour-là, il eut tant de joie pour cacher sa peine, qu'il se perdit pour un instant lorsque le soleil roula dans les bois. Toi, que tu sembles belle, et toi, ton charme est cruel. We'll be right back. misère, juste à deux pas de son sommeil. Le naïf s'éveille doucement, un pied dans l'autre millénaire. Toi, tu es toujours belle, et toi, ton charme est cruel comme un lendemain de cuite. Peu à peu les vapeurs se dissipent, fouillent dans son esprit, plus rien ne vient. Et il regrette que ce fut hier, et il regrette que ce fut hier, et il regrette que ce fut hier.